carré boy. Gosse du set en flic et tout est carré boy. Carré boy. J'suis pas sûr d'avoir des gars, j'suis pas trop chaud pour la vague au doigt. Dans l'armoire, j'ai caché les clopes pour le mec qui sera plus costaud que moi. J'suis doué pour faire du mal, aucun d'entre eux mérite mon bien. Père de couilles sans frontières pour faire des thunes, j'ai aucun frein. Oh my god, investir dans l'herbe pour offrir un jardin de cannabis. Le verre m'a tué les yeux, le jaune et violet m'ont rendu la vue. Arc-en-ciel dans les poches, aujourd'hui j'connais plus la crise. Maintenant que j'ai du pèse des 09 à faire pour des signatures. Traumatisé par les coupures d'eau, je pensais par les favos à cause de mes fautes. Madame me faisait manger du piment, étant petit quand j'ai fait quelques fautes. Fais attention à qui tu tournes le dos si tu veux pas qu'il finisse avec des couteaux. Sois seulement intéressé par ta part, alors qu'il reste la moitié du gâteau. Ne mélange pas à ces suceurs, en tous la bouche, si je l'arc un trou du huc. Quand t'as pas des moyens, t'es tout seul après avoir touché le colo, ça sympathise. Tes fréquentations sont pas solides, je te conseille de faire des nouveaux amis. Adamo, Seven Banks, mes adversaires sont devenus microbies. Hey boy, c'est comment, ce soir on fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Hey boy, c'est comment, si toi pas mais aussi moi? J'ai deux trois de machos qui sont prêts à toquer chez toi. Hey boy, c'est comment, ce soir on fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Hey boy, c'est comment, si toi pas mais aussi moi? J'ai deux trois de machos qui sont prêts à toquer chez toi. Ça veut plus rien dire avec 2-3 disquettes, tu peux casser sa porte. Le plaisir, ça c'est dans les boutiques, plus besoin d'agoro, car maintenant y'a les gold. Laisse pas traîner ta gosse sur internet, pour pas caler, c'est des femmes comme Katsumi. Pourquoi remettre la photo sur Secret Story? C'est dans les Simpsons qu'il y a de la pornographie. Mieux seul que mal accompagné, mais la police sont obligés de marcher groupé, présenté. Et puis t'as un violeur, est-ce que ça lui donne vraiment envie de la violer? Un voleur faudra toujours, car il faudra manger plus. Une cata reste une cata, même si son père casse sa puce. Le chien court après le chat, l'homme court après la chatte. La femme veut que les sous, donc si t'es fauché, faut que tu tailles. Bye bye bye. J'ai compris qu'il fallait faire plus de sale. Je mâche pas mes mots, je reste vrai, même si ça peut vous faire du mal. Hey boy, c'est comment, ce soir on le fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Hey boy, c'est comment, si t'as pas mes sous, dis-moi. J'ai deux trois gars à chaud qui sont prêts à toquer chez toi. Hey boy, c'est comment, ce soir on le fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Hey boy, c'est comment, si t'as pas mes sous, dis-moi. J'ai deux trois gars à chaud qui sont prêts à toquer chez toi. C'est comment, ce soir on fait ou pas? J'ai les armes qu'il nous faut, ce soir on braque ou pas? Hey boy, c'est comment, si t'as pas mes roues, dis-moi. J'ai deux trois gars à chaud qui sont prêts à toquer chez toi. Ce soir on fait ou pas? Ce soir on braque ou pas? Si t'as pas mes roues, dis-moi. À toquer chez toi. Ce soir on fait ou pas? Mais fou.